Plus juste la voix de ceux qu'on oublie parfois. Stand your ground. Portons la flamme dans le vent glacial, un phare vivant dans ce monde brutal. Aucune ruine ne peut l'éteindre, nos voix s'élèvent, prêtes à rejoindre. Hold the light, keep it burning bright. Hold the light. Whispers carry without.